Chapitre 16, deuxième vague. Donc, je reprends le livre « La vérité vous rendra libre », où j'ai été beaucoup plus loin dans la version anglaise, parce que dans la version française, j'ai été obligé de me tourner uniquement vers les réponses bonfinoises, c'est-à-dire du bonfin. Et dans le livre, dans la version anglaise, je n'ai pas du tout été attaqué, bien au contraire. Donc, j'ai été beaucoup plus loin de la révélation dans la version anglaise. Ceci étant, j'ai vu que pas mal de Français suivaient, donc j'ai décidé de reprendre la version française, mais je suis obligé de repartir un peu en arrière, puisque déjà à un moment, il y a eu une séparation, hein. Puisque dans la version anglaise, j'ai continué des révélations, tandis que dans la version française, j'ai commencé à faire des choses totalement différentes pour répondre au bon finnois, au bon fin. Donc, ce livre, ce chapitre s'appellera « Vie au bon fin et réponse du bon fin ». Et je vais d'abord conclure cet aspect pour que vous puissiez mieux comprendre et commencer à révéler un peu plus sur l'essence de la lumière et la différence entre ce qui a pu évoluer au bon fin et ce qui est possible avec l'enseignement véritable de la lumière. Pour cela, je retournerai encore un peu dans le passé par rapport au bon fin. Et je me souviens par exemple qu'au bon fin, les enfants étaient totalement rejetés. Donc ils n'étaient pas maltraités, hein, ne déformons pas mes dires, mais il n'y avait rien pour les enfants au bon fin, rien. Il y avait un jet d'eau avec même pas une piscine, un petit peu d'eau comme ça. D'ailleurs au bon fin il y a une piscine, qui était une réserve d'eau, parce qu'avant c'était un truc d'agriculture, et la piscine était interdite. Était de toute façon délaissée avec de l'eau très sale et ainsi de suite. Je ne sais pas si elle existe encore maintenant, mais avant c'était comme ça. Donc en plus, ça veut dire qu'ils auraient pu sacrifier une personne qui reste auprès de la piscine, que la piscine soit nettoyée, que les enfants aient au moins accès à ça. Eh ben non. Donc c'est très paradoxal parce que vous allez avoir le maître Amram qui va enseigner le respect des enfants, la galvanoplastie spirituelle, ce qui veut dire éduquer les enfants même quand ils sont des fœtus. Et puis en même temps, vous allez avoir le rejet total des enfants au bon fin. Et c'est un véritable désastre. C'était un véritable désastre en tout cas. Souvent les enfants s'occupaient de ramasser les poubelles par exemple. Les ados en tout cas, hein, non pas de ramasser comme des pauvres, hein, ramasser parce qu'il y avait une activité, ramasser les poubelles un peu partout avec un camion, c'était l'activité principale des ados parce qu'ils s'emmerdaient, il n'y a pas d'autre terme, quoi. Ils n'avaient rien à faire, c'était un désastre total. Il y a la salle des enfants pour manger, donc au bon fin, on mange en silence, ça s'appelle le Hani Yoga. Et la plupart des parents étaient ultra stressés avec leurs enfants qui ne supportaient pas de manger en silence, c'est évident. Et combien de fois, moi, je me suis accroché avec des parents parce que mon enfant, lui, était très calme pour manger en silence, parce qu'au moment où je pratiquais véritablement, on le faisait tous. Donc, chez nous, c'était une période de tranquillité, on mangeait tranquillement, en silence, toujours. Donc, quand on arrive au bon fin pour manger en silence, bah, ça ne change rien, quoi. Tandis que les autres, ils ne mangent pas en silence chez eux. Donc, les enfants n'ont pas l'habitude de manger en silence. Et puis après, lorsque les enfants font du bruit, ils sont hyper stressés parce que vont dire les voisins? Mais les voisins font pareil. Donc c'était toute une micro-société avec tous les côtés tordus, fermés, cachés, secrets, comme ça existe partout dans le monde. Moi, quand j'ai vu la situation bonfinoise avec les enfants, étant moi-même hautement diplômé pour la pédagogie, pour l'enseignement, pour ayant toujours travaillé avec des enfants, j'ai décidé au bout d'un moment, c'était après la mort de Maître Amram, de présenter un dossier aux responsables du Bon Fin de toutes les activités qu'on pourrait faire. Aménager quelque chose pour les enfants, etc., etc. Des activités qu'on pourrait faire concrètement à construire ou à organiser, des jeux de dessin. Quand j'ai présenté ce dossier, au bout de quelques semaines, je ne me souviens plus, on m'a dit non. Vous êtes personne ici pour présenter quoi que ce soit. Nous savons, nous avons la connaissance initiatique, nous ne sommes pas intéressés, merci. Et je me suis dit, pauvre gosse, c'est vraiment lamentable. Mais un an plus tard, on va dire qu'un bon 70%, 80% de mon dossier a été organisé et fait par quelqu'un d'autre qui était bien placé dans le Bon Fin. Et quand j'ai vu ça, j'aurais pu y aller, j'aurais pu dire, foutez de ma gueule là. Mais j'ai rien dit, parce que ce qui m'apportait, c'était pas d'être reconnu, c'est que les enfants soient mieux traités au Bon Fin. Donc, le Bon Fin, c'est une micro-société. D'ailleurs, je me souviens de frère Ciotta, il y a fort longtemps, qui m'avait dit, le Bon Fin, c'est une mère fermée. Et je lui disais, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et il me disait, une mer ouverte, vous faites une vague, et la vague, elle part. Pour très longtemps et très loin. Une mer fermée, vous faites une vague, ça rebondit contre les récifs en face et ça vous revient. Il faut être très fort, enfin, il faut être très fort. C'était la présentation de frère Ciotta. Mais bon, il faut être clair, hein. Ce qui est décrit, c'est absolument vrai. Mais c'est la situation de tout village dans le monde. Hein. Ce n'est pas un truc initiatique, cosmique, c'est une vérité. Dans un village, dans un endroit où il y a une population grosso modo de 500 000 personnes, tout le monde sait tout sur tout le monde. Moi, j'ai vécu en Martinique et en Guadeloupe, et même si la Martinique, c'est un peu plus grand que le Bon Fin, c'est le même problème. Les gens, ils ont besoin d'aller sur le continent de temps en temps, parce que sur le continent, personne ne les connaît. En Guadeloupe, en Martinique, tout le monde sait que vous vivez avec celui-ci, que vous avez quitté celui-là, que maintenant vous vivez avec celui-ci, que vous étiez sous la semaine dernière. C'est la même chose. Donc au Bon Fin, il y a cette recherche véritable et cet enseignement véritable du maître Abraham qui apporte vraiment, qui apportait vraiment une lumière et que les gens ne pouvaient pas contrôler parce que maître Abraham, quand il faisait une conférence, on ne savait pas ce qui allait se passer. Ça pouvait être d'ailleurs pas de conférence du tout, ça pouvait être une conférence de un quart d'heure ou de quatre heures. Personne ne prévoyait quoi que ce soit parce que maître Abraham était libre. Il n'était peut-être pas parfait, mais il était libre, il n'était pas contrôlé. Donc il y avait une espèce d'aventure au Bon Fin, d'existence, de vie. Une fois que... Enfin, Maître Abraham, très souvent, il critiquait. Par exemple, il était complètement en accord avec l'enseignement de Jésus-Christ. Mais il critiquait il disait toujours « les chrétiens sont des crétins », c'était son expression. Expression qu'on n'entendra jamais au public. Hein. Et si Maître Abraham est un maître, même s'il n'est pas parfait, qui sont les petites personnes du Bon Fin ou de Prosveta pour décider que cette phrase-là ne doit pas être répétée par eux, enfin par ne pas laisser circuler les conférences du Maître Abraham quand il disait « les chrétiens sont des crétins ». Vous allez dire « ah ouais, mais ça va choquer les chrétiens ». Mais tout à fait, je comprends. Mais n'empêche que Maître Abraham est responsable de ses dires. Et que les gens du Bon Fin et de Prosveta n'ont aucune autorité pour censurer le Maître Abraham. Il disait ce qu'il voulait dire. Tout comme Jésus disait ce qu'il voulait dire. Les Romains voulaient le tuer parce qu'il était choquant. Les Juifs voulaient le tuer parce que ce qu'il disait était choquant. Et le Vatican a décidé de ce qu'il fallait censurer et pas. Et le maître en moi m'a toujours critiqué ça. Mais aujourd'hui, Prosveta fait exactement ce que le Vatican a fait à Jésus. Il pense mieux que le maître, tout en suivant ce maître. En même temps, j'ai reçu, vous n'avez pas idée, le nombre de lettres et d'insultes, mais haineuses des disciples du Bon Fin, qui me disent que je mens, que je manipule, que je ferais bien d'aller voir ma propre vérité dans mon miroir. Enfin, vous voyez, tous les trucs classiques New Age, la technique du miroir, c'est bien connu. Et Il y a des choses pour clarifier, au moins je dois cette vérité. Il y a des choses pour clarifier où je n'étais pas là. Par exemple, lorsque le maître Amram est mort, je n'étais pas là. Si j'avais été là, il ne serait peut-être pas mort tout seul. Quand il était au Canada, par exemple, je raconte beaucoup de choses qui sont passées au Canada. Il est vrai qu'au Canada, je n'étais pas là. Ceci étant, cela veut dire que toutes les conversations que j'ai eues avec beaucoup de gens, ce ne sont que des ragots, comme disent bien des gens du bon sens. C'est-à-dire que j'ai parlé avec, pour vous ça ne voudra rien dire, mais pour les gens du bon sens ça voudrait dire quelque chose. J'ai parlé avec Pierre-Jean Canquette, Frédéric Canquette, Augusta, Blagost. Donc tous ces gens-là qui ont tous raconté la même chose sur le Québec, sur le Canada, ben, c'était un mensonge, c'était des ragots. Il y a un docteur, je donnerai uniquement son prénom, Patrick, qui est devenu mon meilleur ami pendant des années, avec qui j'ai travaillé, ainsi de suite, qui avait un cabinet à Fréjus, et qui m'a raconté comment le maître Amram est mort d'un point de vue médical. Les médicaments ont été refusés parce qu'on ne fallait pas accepter que le maître Amram ait un cancer, et ainsi de suite. Donc évidemment, par rapport au côté médical, physiquement parlant, non, je n'étais pas là directement. Enfin, mon meilleur ami, qui est médecin, enfin, il était mon meilleur ami, médecin, professionnel, et ainsi de suite, il racontait n'importe quoi. Et puis ensuite, Yannick Perchorancier, qui était aussi vraiment mon frère, et qui m'a raconté même comment... C'est lui-même qui a mis en bière, comme on dit, c'est-à-dire qui a mis Maître Amram dans le cercueil. C'est lui qui l'a fait. Et c'est lui qui m'a dit ce qu'il y avait dans le cercueil et ce qu'il n'y avait pas dans le cercueil. Il m'a dit, il a été déclaré que le chapeau de Maître Amram, le coussin et la canne de Maître Amram, qui étaient des choses très symboliques, étaient dans le cercueil. Et lui m'a dit, c'est moi qui l'ai mis en bière et je t'assure, s'il n'y était pas. Lui aussi, c'était un menteur, évidemment. Il a passé sa vie au bon fin, il a tout sacrifié. Il a passé des dizaines d'années avec Maître Amram, mais c'était un menteur. Et la mort de l'autre Yannick, qui a été utilisé par le bon fin, qui était un mécanicien, qui travaillait à Prosveta et qui passait son temps à réparer toutes les voitures des responsables du bon fin, et tout cela pour rien, gratuitement, donc c'était véritablement un esclave. Cet homme qui a fini par se tirer une balle dans la poitrine et qui a été découvert parce que son corps puait au bon fin. Plusieurs jours plus tard, bien sûr, ça aussi sont des ragots, c'est du mensonge. Et un docteur qui m'a dit en pleurant qu'il était obligé de couvrir un suicide qui s'est passé au bon fin avec un type qui est resté sans manger tellement longtemps qu'il a fini par en mourir. Et cet autre médecin que je connais qui a été obligé de couvrir ça avec une fausse déclaration. Et il en pleurait de honte. Tout ça, ce sont des ragots. Et aussi tout ce que j'ai vu. Donc, je ne fais pas référence à tout ce que Maître Amram m'a raconté directement. Parce que les personnes à l'esprit carré diront, « Ouais, bon, quand il y a une entité qui passe et qui parle à travers ta copine, bon, c'est peut-être une plaisanterie, c'est peut-être... » Ok, donc je vais prendre ces choses-là et tous ces aspects-là, je les mets de côté. Reste des centaines de témoignages et aussi tout ce que j'ai vu pendant des années. Tout ce que j'ai vu pendant des années. Comme je l'ai déjà raconté, mais je le répéterai encore, quand je suis arrivé en tant que permanent, il y avait tout un drame, j'ai même oublié ce que c'était, un scandale, quel qu'il soit, parce que ça n'arrêtait pas au bon fin, et tout le monde venait me parler, comme j'étais nouveau, en disant « Tu te rends compte, il y a ça, il y a ça ». Puis après, il y avait une réunion, et à la réunion, je crois que c'était le frère Ciotta qui était là et qui a dit « Bon, bah, leur parler, quel est le problème ?» Et tout le monde s'est tu. Et moi, j'ai dit, ah non, toi, t'es venu me trouver, tu m'as dit ça, toi, t'es venu me trouver, tu m'as dit ça. Allez-y, parlez maintenant. Et quand j'ai commencé à crever l'abcès, tout le monde a parlé. Et je pense que ça a aidé. Et en discutant, le frère Ciotta, il m'a tout de suite repéré, parce qu'il a vu que j'étais un leader. Et je lui ai dit, mais vous n'êtes pas le maître. Mais vous êtes un frère plus avancé. Et moi, j'apprendrai de toutes choses que vous faites d'après l'enseignement du maître Amram. Et si vous faites quelque chose de tordu, je serai le premier à vous dire... Frère Ciotta, ici vous avez tort, je suis désolé. Et il m'a dit, mais vous avez parfaitement compris l'essence de l'enseignement du maître Amram, c'est parfait. Et je me suis dit, c'est super cool. Et comme ensuite j'étais en contact et que j'ai fini par savoir ce qui se passait dans mon dos, juste après, ils ont une réunion à 3 ou 4, ils ont dit, bon, celui-là, il faut s'en débarrasser, il est trop dangereux. C'est normal. C'est l'humanité, c'est même pas... Vous allez dire, oh là là, le bon fin est horrible. Vous pourriez dire ça. Moi, je pourrais vous dire que l'humanité est horrible. Que dans l'humanité, on ment et on manipule perpétuellement. Et que le bon fin, c'est un endroit où il y a un maître qui parlait. Mais après, les gens percevaient l'enseignement comme ils le voulaient. Et ils étaient surtout énormément attirés par le pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fui le bon fin. Je n'ai pas fui le bon fin parce que j'étais foutu à la porte. Mon influence s'est développée au bon fin. Les gens ont de plus en plus découvert que je parlais avec le maître Omram, que je parlais avec des guides, que je faisais une révolution, que j'amenais la lumière. Et un jour, il y a eu cette réunion où le frère Ciotta a interdit... Non, le frère Lamy a interdit formellement à qui que ce soit d'y aller. Toute personne allant à la réunion serait expulsée du bon fin à vie. Malgré tout, on était 80 100 personnes, j'ai oublié. Une centaine de personnes. Ça se passait aux Amandiers, protégé par Madeleine Chavanon, qui était vraiment quelqu'un qui adorait tout ce que je faisais et avec qui je travaillais sans arrêt. Encore du ragot, bien entendu. Madeleine Chavanon n'a jamais existé en réalité. Bah, renseignez-vous et vous verrez, c'était l'essence même du bon fin. C'était une sœur de Maître Omram, au même niveau. Et j'ai vécu vraiment avec elle pendant des années. Tout comme Yannick Percherencier, qui saute si triste que le maître Omram ne soit plus là, s'est totalement retourné vers Madeleine Chavanon. Donc Yannick Percherencier, qui vit pendant des années avec Omram, quand il se retourne vers Madeleine Chavanon, c'est parce que c'est une sorcière. Non, c'est parce qu'elle était vraiment la sœur de maître Omram. Le même niveau, la même essence, la même inspiration. Et quand j'ai fait cette réunion, donc, il y avait 80 personnes qui suivaient à fond et qui m'ont dit « À nous tous, nous prenons le contrôle du bon fin, toi à la tête. » Et j'ai dit « Non, ce n'est plus mon histoire, ce n'est plus mon destin. Je suis venu corriger des choses au bon fin, mais mon destin est ailleurs. » Et donc je suis parti parce que j'ai refusé le pouvoir et j'ai refusé de prendre le pouvoir au bon fin, parce que c'était un endroit trop tourné vers le pouvoir. Mais je dirais que, quand je dis ça, c'est même pas en critiquant Maître Omram. Je dirais que tout maître devrait se limiter à 50, 80 personnes maximum. Parce que je pense que quand on va plus loin, une centaine de personnes maximum. Ou peut-être pour respecter la loi de la panorythmie, 144 personnes serait vraiment l'ultra maximum. 144 personnes, en travaillant beaucoup, un maître réussirait à savoir tout ce qui se passe partout. Au-delà de ça, c'est plus possible. Et donc, à partir du moment où on ne gère plus ce qui se passe entre les gens, ben, ça redevient une micro-société avec toutes les vacheries humaines, avec toutes les violences humaines, avec toutes les trahisons humaines. Le bon fin, c'est des centaines et centaines de personnes. Moi, j'ai connu des fois le bon fin avec 800 000 personnes. On ne peut plus gérer. En plus, il y a des gens qui viennent pendant 3 semaines et puis qui repartent. Donc, forcément, ils ont une vie ailleurs. Ils ont... Ce n'est pas une critique. Simplement, on ne peut plus gérer. On peut parler d'un stage. On peut parler d'un stage pour pratiquer quelque chose pendant quelques semaines. Et dans ce cas-là, on peut avoir beaucoup de personnes, puis après, les gens repartent de leur côté. Mais on ne peut plus parler de l'essence d'un endroit initiatique. C'est fini. Il y a trop de personnes, trop de personnalités, et trop de mélanges, trop de soupe. Donc c'est inévitable. Et si moi-même, je crée un groupe quelque part, à partir du moment où il y a 200, 300 personnes... Surtout quand c'est pas en vase clos, que c'est en vase ouvert, que les gens viennent, repartent. Moi, tous les gens qui sont avec moi, ils sont totalement libres. D'abord, je tourne avec une dizaine de personnes, quinzaine de personnes, et les gens, ils disparaissent, ils partent pendant 3 mois, pendant 2 ans, pendant 4 ans, puis un jour ils reviennent, puis ils restent 2 mois, puis après ils repartent, et ainsi de suite. Et j'ai jamais dit à quelqu'un, non, tu restes là. Chacun est totalement libre, je n'impose rien. J'ai l'autorité de la lumière, et si je dis non, si tu fais ça, tu pars. Ça, c'est de la magie noire, c'est de la violence. Donc, j'ai l'autorité pour mettre quelqu'un à la porte, si quelqu'un se comporte d'une façon tordue. Mais je n'ai aucune autorité pour demander à quelqu'un de rester. Donc, j'ai l'autorité de faire du chantage, si je puis dire, c'est-à-dire en disant, tu es responsable. Si tu fais ça, tu as le droit, et moi, j'ai le droit de te dire, tu pars. C'est chez moi. Au revoir. C'est la seule fois où j'utilise une certaine autorité. Et avant de faire ça, évidemment, je parle aux gens en leur disant « Non, mais tu ne peux pas agir comme ça, c'est pas possible. » J'explique pourquoi, ils veulent quand même. « Ok, eh bien, si tu fais ça, tu as parfaitement le droit de le faire, et moi, j'ai parfaitement le droit de te demander de partir, s'il te plaît. » Donc, ça n'arrive pas souvent, mais c'est déjà arrivé. Madeleine Chavanon, elle avait été déclarée par le maître Omram en personne comme la magnétiseuse du bon fin. Et moi, j'étais là lorsque le bon fin était sous la pression de l'ADFI, qui était une association française qui n'existe plus aujourd'hui, je crois, pour lutter contre les sectes. Et l'ADFI avait souvent parlé de magnétiseur égale secte, ainsi de suite. Donc, à un moment, le frère Lamy, je crois, ou Ciotta, un des deux, avait contacté Madeleine Chavanon, j'étais là pendant le coup de fil, et lui ont dit « il ne faut plus que vous magnétisez, nous avons décidé, il ne faut plus que vous magnétisez ». Et elle, je me souviens, elle avait dit « vous n'êtes personne pour m'interdire de magnétiser ». C'est le maître Omram en personne qui m'a invité à être la magnétiseuse du bon fin. « Vous n'êtes personne pour m'interdire de magnétiser, je suis un monument de la fraternité, et personne, pas un parmi vous, trou du cul, n'aura le pouvoir de me bouger. » Et après, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas insisté. Eh oui, parce que les gens qui avaient étudié longtemps avec le maître Omram avaient une force de caractère. Ce n'étaient pas des disciples écoulés de terreur, mais une force de caractère. Donc, il y en avait qui étaient des terreurs et pas toujours dans le bon sens. D'autres qui étaient des terreurs, mais dans le bon sens. C'était le cas de Madeleine Chavanon. J'étais proche de Blagost, qui était la plus proche de Maître Omram, et Blagost, tout le monde était terrorisé devant elle. Un jour, il y avait cette réunion, qui est tout simplement l'Assemblée Générale de l'association, j'oublie maintenant comment ça s'appelle, au bon fin. Et il y avait une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes. Et moi, qui avait une vie associative française très active, j'ai dit, j'y vais, je veux savoir ce qui se passe dans cette association. Et on m'a dit, non, c'est uniquement pour tel niveau. J'ai dit, mais il n'y a pas de niveau, là, c'est l'Assemblée Générale. Même les gens de dehors ont le droit de venir à une Assemblée Générale. Vous n'avez rien à dire. L'Assemblée Générale, c'est ouvert à tout le monde. C'est la loi. Point final. Et ils m'ont dit non. Et moi, j'ai dit, mais je m'en fiche totalement. Et j'y suis allé, parce que je voulais savoir ce qui se passait. Et quand je suis arrivé, je me suis assis, c'était dans la grande salle, qui était presque vide. Et l'ami, je pense, a fait signe à 2 ou 3 frères de me sortir. Donc il a fait signe avec sa tête, comme ça, en disant, hop, lui, dehors. Et quand ils se sont levés, Blagos, qui était sur le coin, elle s'est levée, elle a croisé ses bras. Elle a regardé les 3, qui sont rassis immédiatement. Elle s'est rassise, et voilà, j'ai regardé, j'ai assisté à toute la réunion. Et après, j'ai parlé à d'autres, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Ils n'ont pas le droit de dire, vous n'avez pas assisté à cette association, à cette réunion. C'est l'Assemblée Générale, c'est la loi. Si moi, je veux rentrer dans l'Assemblée Générale de l'association des joueurs de football du dimanche après-midi en short rose, s'il y a une Assemblée Générale, j'ai le droit d'y aller, c'est la loi. Même si je n'ai rien à voir avec cette association. Non, je vous assure, je n'ai rien à voir avec eux. Mais j'ai le droit d'y aller. C'est la loi. Et quand on se place au-dessus des lois, on n'est pas loin de la secte. On n'est pas loin de la secte. On s'y approche, on s'y approche, on s'y approche. J'ai reçu des lettres d'insultes aussi d'un monsieur, mais vraiment méchant, d'un monsieur j'ai oublié son nom et je m'en fiche complètement, d'un mec au Québec, insultant, totalement condescendant et minable. Et en fait, j'ai pu voir sa photo, donc il me dit que je mens, que je manipule, et que c'est que des insultes, et que des insultes. Mais vraiment méchante, condescendante, rabaissante, au plus haut point. Et comme j'ai eu son nom, j'ai regardé sur le portable, j'ai trouvé son truc sur WhatsApp, et puis je lui ai répondu sur WhatsApp en lui disant qu'il était bouffi d'orgueil, arrogant, qu'il était vraiment la caricature bonfinoise dans toute sa splendeur négative. Enfin, je lui ai répondu très gentiment par rapport à ce qu'elle avait balancé. Évidemment, il y avait une photo, et évidemment, il était la copie conforme de Omram, la barbe blanche, les cheveux blancs, et ainsi de suite. Et je dirais que c'est grave de vouloir imiter un maître physiquement. C'est grave. Ça me rappelle les adorateurs de Johnny Hallyday qui ont la même coupe de cheveux, qui se font appeler Johnny, et qui ont une moto. C'est lamentable. Pauvre Johnny Hallyday. Paix à son âme. Mon père, c'était un livreur aux Galeries Lafayette et il connaissait Johnny Hallyday. Ouais, il n'était pas... C'était pas un pote, hein, mais il allait livrer là-bas et il disait c'était un mec qui était super sympa. Il me laissait toujours un gros pourboire, il m'offrait toujours une bière, c'est lui qui ouvrait la porte. Ce qui n'était pas le cas dans beaucoup d'autres trucs. Donc, c'était juste pour dire qu'il y a des gens qui ont le cœur sur la main. Et que quand on veut imiter quelqu'un, étrangement parlant, les gens qui ont imité Johnny Hallyday, la plupart du temps, ils ne savent pas qui était Johnny Hallyday. Ils ne savent pas le bon cœur qu'il avait, la gentillesse qu'il avait. Ils vont l'imiter pour insulter, pour se battre, pour chanter deux ou trois trucs débiles. Mais ils ne savent pas qui est Johnny Hallyday. Eh bien, j'ai la même position par rapport au maître Omram. Le maître Omram, c'était quand même... Il a eu un gros problème sexuel. On en a parlé. On ne va pas en parler sans arrêt. C'est clair. Mais pour lui, c'était un homme de cœur. C'était un homme d'honnêteté. C'était un homme humble, qui était capable de faire face à la plupart de ses problèmes, sauf ses problèmes sexuels. Et le clone de Omram du Canada qui me contacte, c'est un clone physique, mais ça s'arrête là. Horriblement arrogant, prétentieux. Horriblement. Et je serai assez sévère en disant j'ai exactement la même opinion de Omram par rapport à Peter Deneuve. Quand vous prenez la photo du maître Omram et vous prenez la photo du maître Peter Deneuve, vous pourriez presque confondre, tellement ils se ressemblent. Et chez la plupart des gens, ça va être une marque de divinité. Il est incarné, c'est à moitié le maître Peter Deneuve. Non, c'est complètement un clown pour ça. On n'a pas besoin d'imiter physiquement quelqu'un. Un maître vous donne le pouvoir d'incarner ce que vous êtes, non pas d'être sa copie. Et moi, une seule fois, ça m'est arrivé. Je suis, comme je suis Shaolin aussi, je suis rasé. Et donc, bald, ça veut dire pas de cheveux. Et j'ai un élève qui est arrivé comme moi. Et il m'a dit, regarde, je fais comme toi, c'est super. Je dis, mais tu nous fais quoi, là, espèce de débile? Tu veux être mon clone? Parce que chacun est différent. Chacun d'entre nous, nous devons développer ce que nous sommes dans le sens divin, évidemment. Pas dans le sens égotique. Mais nous devons développer notre spécialité. Moi, quand j'enseigne les arts martiaux, l'enseignement Shaolin, je n'ai jamais enseigné la même chose à deux personnes. Jamais. Pourquoi ? Parce que chaque personne est différente. Je ne vais pas enseigner la même chose à une femme de 50 kg et à un mec de 120 kg, enfin vous plaisantez. Je ne vais pas enseigner la même chose à un type qui n'arrive pas à bouger ses jambes parce qu'il a les hanches fragiles et limitées, et quelqu'un qui est hyper souple. J'ai ma fille qui fait de la gymnastique rythmique, olympique, et ainsi de suite. Je ne vais pas lui enseigner ce que j'enseigne à un monsieur qui travaille avec moi de 45 ans. Enfin, vous rigolez. Et puis, pour le maître, le prof lui-même que je suis, eh bien, c'est beaucoup plus riche. C'est beaucoup plus riche. Parce que chaque élève est un challenge. Et je n'ai jamais cherché à faire une copie de moi-même. Une copie de moi-même serait une, par définition, la démonstration de mon erreur. Que les gens aient un peu mon style, c'est normal. Ils étudient avec moi, ils étudient l'art de répondre, de réagir, donc ils vont tous réagir. Ils ne sont pas des faibles, ainsi de suite, moi non plus. Évidemment qu'ils s'inspirent de ce que je fais, mais d'être ma copie, ce n'est plus s'inspirer. C'est ne plus exister pour changer d'ego. Au lieu d'être mon ego, maintenant je suis l'ego du prof. Mais c'est encore pire. Il vaut mieux être son ego égotique que d'être l'ego d'un prof. L'évolution, c'est d'être en paix avec son ego qui devient la prolongation de son âme divine. Et chaque âme divine et chaque outil qu'est l'ego est différent. Donc nous devenons une équipe qui vit en symbiose entre mon ego, mon éducation, mon âme, mon éducation d'âme, mon inspiration d'âme, ma mission divine. Et voilà. Alors après, je suis influencé par Eji, par la force, par le courage, par la capacité de réagir. Oui, mais je ne deviens pas son clone. Et là encore, c'est une erreur d'enseignement du maître Brahma. Et l'erreur, c'est que pour pouvoir accéder au pouvoir, à un moment, il est revenu d'Inde en tant que Omram, en tant que maître Peter de Nov, la copie parfaite. Évidemment, les gens ne l'ont plus appelé frère Michael, mais maître Omram. Ah, ça y est, j'ai obtenu ça parce que j'ai le visage de mon maître. Eh bien non, il fallait apprendre à exister par soi-même. Et ce faisant, les gens qui sont autour de lui on dit, ah ben si le maître peut le faire, moi aussi. Et ils l'ont fait. Et au bon fin, je me souviens quand j'y étais, que je voyais, très souvent même quand le maître Omram était mort, des fois je me disais, putain, je viens de voir le maître Omram, c'est pas possible. En fait, c'était tous des clones de maître Omram. Et ils se trimbalaient avec le même chapeau, avec la même attitude. Ils n'ont pas honte. Moi j'aurais honte, hein. Tout comme j'aurais honte de me faire appeler Johnny Hallyday. Je ne suis pas un fan de Johnny Hallyday, mais je respecte le personnage de gentillesse qu'il était. Mais si quelqu'un me rencontre dans la rue, hey « Johnny, ton dernier concert !» Non, mais c'est pas moi en réalité. Non, c'est pas moi. En réalité, Johnny Hallyday, c'est un autre mec. C'est pas moi. C'est grave, quoi. Donc, quand on avance dans la spiritualité, il faut aussi avancer dans sa psychologie, dans sa sérénité de base, exister par soi-même, vers la lumière, mais sans nier ce que l'on est, en rejetant simplement tous les aspects négatifs. Et quand on avance dans cette paix et cette sérénité, on pourrait, je pourrais vous dire ça par rapport à l'ostéopathie, on pourrait tourner les choses qui sont sacrées, comme la sécrétion des glandes. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en paix avec vous-même, quand vous êtes en paix avec votre âme et que votre système biologique fonctionne en paix, en harmonie, en tranquillité, vous avez des sécrétions naturelles, du liquide céphalo-rachidien avec toutes les hormones qui vont travailler normalement. Et quand on parle de Christos, hein, Christos, on parle d'un être divin. Eh bien non, on parle d'un état divin. Christos, ça veut dire « oint ». « Oint », c'est celui, c'est symbolisé par le baptême chez les catholiques, ou autres religions comme ça, c'est celui qui reçoit l'huile particulière, c'est un enseignement essénien, qui reçoit l'huile particulière qui permet de manifester encore plus la divinité. Donc Christos, ce n'est pas un titre, un nom, le nom du Fils de Dieu, ça veut dire « oint ». Et au lieu d'être oint extérieurement comme on va le faire dans le symbole ou de ressembler à Maître Omram ou à Johnny Hallyday, on est dans un état de lumière où nos glandes fonctionnent correctement et nous sommes oint christique de l'intérieur. Et cette huile magique descend en nous de partout tout au long de la colonne vertébrale jusqu'au sacrum, qui veut dire sacré, et qui est l'endroit final où le bassin reçoit l'ensemble de cette huile. Et lorsque ma respiration primaire, qu'on appelle aussi la respiration crânienne, descend le long de la colonne vertébrale et se bascule dans le bassin, c'est de la pure ostéopathie, alors l'harmonie est complète. Nous avons la trinité du tantième inférieur, qui est le bassin chez les Chinois, le tantième du milieu, qui est le cœur, qui permet ce passage, et le tantième supérieur, qui est le cerveau. Et nous avons cette trinité. Ah, nous retrouvons la trinité du Christ au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous pourrions dire que le Père, c'est le cerveau, le Fils, c'est le cœur, et le Saint-Esprit, c'est le bassin, là où il y a le sacrum. Et quand je suis en paix aussi avec le bassin, j'utilise mon animalité d'une façon divine, ce qui me permet de développer la force, l'amour et même la sexualité, mais la sexualité qui protège, qui aime, qui se manifeste avec force et courage, qui transcende tout dans notre existence. Ça, c'est l'essence même de tout ce que nous devons recevoir. Et malheureusement, à partir du moment où le maître Amram, aussi grand qu'il fut dans certains de ses enseignements, a raté une partie en ne faisant pas assez confiance en lui-même d'être simplement Mikhaïl Ivanov et pas Omram Mikhaïl Ivanov, en devenant la copie du maître Peter Donov, il perd cette essence. Et puis, en suivant faussement, d'une façon tordue, l'enseignement du maître Peter Donov et en disant « Ouh, le sexe n'est pas bon », ainsi de suite, il crée une erreur qui est une petite erreur au début et qui devient une hernie incontrôlable. Et entre la copie du maître Peter Donov et l'interdiction de la sexualité, mais ces deux petites erreurs, parce que ce n'est pas diabolique, finissent par faire une hernie qui fait que la conduite devient dangereuse. Einstein a dit « La vie, c'est comme le vélo. Si on veut garder son équilibre, il faut continuer à pédaler. » Et quand on commence à nier certains aspects réels de la vie, on va tout droit vers la catastrophe. Tout droit vers la catastrophe. Donc, plus avant, j'essaierai de ne plus m'intéresser aux méchancetés et à la haine du bon fin. Quand j'étais au bon fin du vivant du maître Amram, j'ai vu un bon fin avec des gens souvent méchants et agressifs, mais contrôlés par le maître Amram qui disait « Vous vous calmez, vous êtes en paix, vous sérénisez », qui me disait à moi « Vous êtes mon invité, vous êtes ici, chez vous ». Et j'aurais pu prendre ça d'une façon simpliste, et quand on m'a invité à prendre le pouvoir au bon fin, j'aurais dû dire « Ben oui, le maître Amram m'avait dit « Je suis ici, chez moi, ça y est, j'ai tout compris. Je suis chez moi, je reprends le business. » Eh bien non. Je n'accepterai jamais le pouvoir. Il y a aussi une dame qui m'a contacté, qui se fait appeler Vira, en tout cas de son nom internet, ça n'a aucune importance. Et au début, elle m'a contacté en disant « Ah, tu sais, quand même, tu es aveugle, tu as un karma, et ainsi de suite. » Et je suis troublé parce que le maître Amram, c'était certainement pas un maître, c'est certainement pas un être lumineux. Et toi non plus, puisque tu as suivi, donc je ne savais pas, je veux dire, si tu es inspiré par quelqu'un qui n'est pas lumineux, déjà tu vas pas loin. Hein. Et en plus, tu es aveugle, tu es diabétique, tu as un karma. T'as... Et je lui disais « Non, le karma, c'est... quelque chose qu'on doit affronter parce que c'est inévitable. On n'a rien fait pour et boum, ça arrive. Mais quand je décide de me battre pour défendre la justice, ce n'est plus un karma si je suis entouré d'emmerdeurs, de gens paumés, de gens perdus. C'est normal. Je ne vais pas aider le mec qui a une vie parfaite, qui est éclaté psychologiquement. Je veux dire, ouais, je n'ai pas aidé Michael Jackson. Je suis désolé. Il avait tout ce qu'il fallait pour lui. Hein. J'aide des gens qui sont perdus, qui n'ont rien à bouffer, qui sont maltraités, des gamines qui sont utilisées sexuellement en Roumanie pour le proxénétisme, des réfugiés africains. Donc évidemment que j'ai un entourage qui est bourré de gens paumés. Et je ne les critique pas pour ça. Mais on ne peut pas dire « Ah, c'est ton karma !» d'être entouré de gens qui sont paumés. Non, c'est ma décision. C'est ma responsabilité d'âme. Ça n'a rien à voir avec le karma. Le karma, ce sont les choses qui s'abattent sur nous. Comme ça, d'un seul coup. J'avais une copine que j'aimais terriblement et qui est morte dans un accident de moto alors que je vivais dans un monastère en Shaolin. Quand ça arrive, je suis à des milliers de kilomètres de distance et je ne vais découvrir l'événement que 15 jours après la mort de ma copine, parce qu'il y a très longtemps, il n'y avait pas de téléphone portable, je n'avais pas donné le numéro du téléphone parce que c'était secret, etc. Donc la famille ne pouvait même pas me contacter. Ça, c'est du karma, pour elle et pour moi. Nous n'avions pas le droit de rester ensemble comme ça, en tout cas. Oui. Mais quand ensuite je prends des décisions pour agir, pour faire des choses, c'est absolument pas du karma. Et ensuite, le protocole de cette fille va être quoi? De cette dame va être quoi? En fait, ça va être perpétuellement, j'ai eu 3-4 conversations avec elle par message WhatsApp, et donc pas des conversations mais des messages enregistrés. Et qu'est-ce que va être son speech? Son speech va être perpétuellement d'essayer de me rabaisser de façon à ce que finalement elle puisse démontrer son pouvoir à elle. Ce n'est pas du tout un speech pour dire « Ah, Iji, je vais t'aider, te guider » parce que moi, si elle vient et qu'elle me dit « Moi, je connais un système pour guérir du diabète, mais je le prends tout de suite. » Je veux dire, c'est pas une passion, le diabète. Hein. Si, tout comme quand j'ai entendu parler de l'écolocalisation, j'ai tout de suite dit oui. Et je travaille sur une invention actuellement pour développer l'écolocalisation d'une façon encore plus intense, encore plus vraie. Et donc, si une dame vient, que je connais de ni d'Ève ni d'Adam, mais vient et me dit « Moi, je peux t'aider par rapport au diabète, mais je ne vais pas être là et dire « Mais qui es-tu pour essayer de m'aider ?» Mais je dis « Mais je t'en prie. » Mais quand ensuite, je vois qu'elle n'a rien, si ce n'est critiquer tout, et chez le maître Mara, et chez moi, de façon à démontrer sa grande valeur, sa magnificence et sa lumière, je dis « Désolé. » Et je le bloquais sur mon téléphone, je dis « Je ne suis pas intéressé. » Un peu, ça va, mais après, non, ça ne m'intéresse pas. Et elle-même, évidemment, et c'est normal, c'est l'essence de tout être humain, c'est le rapport équilibré. Si moi, elle peut m'aider sur des choses, potentiellement, moi, je cherche à l'aider sur d'autres choses. Donc, elle parle de sa vie, de décès d'un frère, etc., etc. Et je vais essayer d'aider. Et quand j'essaie de l'aider, elle me dit « Non, t'essayes de me culpabiliser, je ne suis pas intéressé. » Et elle change complètement ce qu'elle avait dit avant. C'est l'instabilité totale. La seule motivation, c'est de venir pour montrer son pouvoir. Et c'est bien pour ça aussi que j'essaie d'être très équilibré par rapport au maître Mara. Oui, il avait besoin de copier son maître. Oui, il avait un gros problème sexuel qui a dégénéré d'une façon très fâcheuse. Point final. Pour le reste, c'était un mec qui était très inspiré, qui n'utilisait pas l'argent, qui a fait plein de donations, qui a protégé plein de gens, qui était très courageux, très clair, très honnête, à plein de points de vue différents. Et les gens qui vont venir et qui disent « Oh, mais le maître Mara, c'était pas vraiment un maître. » On peut toujours trouver mieux. Hein. Mais bon, avant de critiquer, montrez-moi ce que vous savez faire. Cette dame vira, je lui ai dit ce que j'ai reçu de l'école Shaolin. Quand je suis parti, ce n'est pas une école qui est ton école, c'est le monde entier qui est ton école. Elle me dit « Oh, moi, j'ai pas besoin d'aller chez Shaolin pour savoir ça. » Après, je lui dis « Ok, mais qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ?» Moi, j'ai sauvé environ 350 personnes et des milliers d'animaux. Qu'est-ce que tu as fait? J'attends encore la réponse. Aucune réponse. Donc, le truc, c'est de rester concret. Je ne suis pas un dieu parce que j'ai sauvé 350 personnes. Sur mon canal, vous pouvez vérifier Angela Merkel, qui est quelqu'un que j'aime pas beaucoup parce que c'est simplement une politicienne, avec un visage pas franchement respirant l'amour, ainsi de suite. Quelles que soient ses raisons politiques, elle a invité les réfugiés africains. Elle a dit « Soyez les bienvenus ». Elle en a sauvé 2 millions, si je ne me trompe pas, qui sont arrivés en Allemagne. Bienvenue dans tout le système allemand qui, quand ils prennent un truc en main, ils le font bien. Angela Merkel, elle m'a assassiné, hein. Moi, dans ma vie entière, j'ai sauvé 350 personnes. Elle, elle a peut-être une vie tordue, politiquement parlant, ainsi de suite. Elle sauve 2 millions de personnes. Je m'incline humblement devant le résultat de Angela Merkel. Quel que soit son chemin tordu, elle a quand même sauvé, peut-être pour utiliser, peut-être pour les finances, bon, certainement. Mais bon, n'empêche qu'elle a sauvé 2 millions de personnes. Moi, j'en ai sauvé que 350. Et quelqu'un qui en a sauvé 2 ou 1 ou 0 et même pas sauvé son cul ne va pas venir me trouver pour me faire une leçon. L'humilité, c'est pas de se voir tout en noir, c'est de se voir tel qu'on est. Je sais ce que je sais, par conséquent, je sais aussi ce que je ne sais pas. Et si vous me dites, oh, Iji peut tout faire, je dis, bah non, je ne peux pas guérir du diabète, je ne peux pas voir avec des yeux détruits, et je ne peux pas passer à travers les murs, je ne peux pas marcher sur l'eau, et voilà. Donc il y a des choses, je sais. Hein, Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses que je fais, que vous êtes totalement incapables de faire, et qui sont pour moi très faciles, et pour vous, de la pure science-fiction. Des formes de télépathie, de médiumnité, de contact avec d'autres mondes, de quitter mon corps physique, de connaître parfaitement les NDE, IME, non, MI, pardon, expérience de mort imminente, et ainsi de suite. Et je fais même parfois, enfin non, je ne l'ai pas fait encore, mais je projette de faire un stage pour que les gens puissent tester directement des NDE. Je ne veux pas tuer les gens. C'est juste un travail basé sur un travail de respiration et de fatigue sans, avec peu de sommeil pendant un certain temps, pendant une semaine à peu près, pour pouvoir vivre des choses qui sont très très proches des NDE. Bon, après, reste les NDE, ça je peux pas faire, vous prenez votre voiture, vous traversez l'autoroute, vous essayez vous-même. Et ça, je suis pas responsable si vous l'organisez, hein. Mais donc, je peux utiliser certaines capacités, mais je vais pas inventer ce que je peux pas faire. Arrêtez de délirer, quoi. Ni dans un sens en mettant les gens plus bas que terre parce que vous voulez être vous-même des dieux, c'est ce qu'on appelle la technique du faire-valoir et rien d'autre. Et puis aussi donner des pouvoirs magiques et dire que le maître Mahamri, il pouvait tout faire et qu'il savait tout. Et oui, il était très inspiré, il avait une fantastique médiumnité, c'est vrai, mais il avait des trous d'inconscience, des trous de peur et de terreur et de mauvaise interprétation sur bien des choses. Voilà, j'ai découvert un lama qui s'appelle le lama Olé. Je sais, ça paraît un peu lama Olé, mais vraiment c'est un Hollandais, je pense, ou danois, peut-être danois. Et il fait partie du bouddhisme. J'ai oublié, enfin bon, c'est une section de bouddhisme particulière. Et moi, j'ai observé son école, j'y suis allé dans son école, je ne juge pas de loin, j'ai passé quelques jours, j'ai observé comment ils prient, comment ils agissent entre eux. Et c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, ils mangent de la viande, ils boivent de l'alcool, ils fument, donc c'est pas la perfection, mais c'est quand même pas mal. Par contre, le lama Olé, il a un très gros problème parce qu'il déteste les musulmans, comme le font les juifs. Comme le font les nazis d'aujourd'hui en Allemagne, parce qu'il y a une nouvelle vague de nazisme qui se développe de plus en plus en Allemagne, et comme beaucoup d'autres groupes, et ainsi de suite. Et lama Olé, il est aussi dans son obsession contre les musulmans. Et à tel point que moi, j'ai été dans un truc, le groupe principal. Et j'ai rencontré des gens super cool, super sympas, très honnêtes. Partout, vous avez des trucs. Il y a une petite boîte, vous pouvez vous servir et vous mettez l'argent. Pour n'importe quoi, le dentifrice, ça ou ça ou ça. Ça veut dire que si vous voulez, ben, vous prenez le dentifrice, vous ne payez pas, quoi. Donc, s'ils ont développé ça, c'est qu'ils ont une confiance totale les uns envers les autres. C'est super. Et à un moment, il y a un mec qui m'a accroché et qui m'a dit, oui, alors quelle est ton opinion par rapport aux musulmans? Je dis, ben, les musulmans, il y a des cons, il y a des gens très gentils. Non, ils sont tous dangereux et tout. Je dis, ah, parce que les Bilderberg, ils ne sont pas dangereux. Les francs-maçons, ils ne sont pas dangereux. Parce que les catholiques et le Vatican n'est pas dangereux. Parce que le New Age n'est pas dangereux. Alors après, il était un peu perdu. Et puis il m'a dit, mais ça veut dire que tout est dangereux. Je dis, oui, absolument. Tu es un gamin, tu es un gosse. Tu sais pas que le monde est dangereux. Tu sais pas que le monde est obscur et noir. Et qu'on trouve quelques points de lumière, et que la plupart du temps, on trouve que des petits trous du cul qui jugent, qui agressent et qui suivent le mal. Et après, il était complètement cassé. Et il y a d'autres bouddhistes qui étaient là, c'était à la table du petit déjeuner. Ils ont dit, t'as vu comment il a parlé? Il est super, ce mec, ainsi de suite. Je comprends parce qu'ils ont parlé en allemand et je comprends l'allemand. Donc, il faut exister par soi-même. Non pas d'une façon égotique, parce que j'ai raison, je suis la lumière du monde. Mais je reconnais la lumière qui est en moi, je reconnais le chemin que j'ai parcouru, je reconnais le pouvoir lumineux que j'ai en moi, je n'admire personne et je manifeste la lumière. Et je n'ai pas peur de juger quoi que ce soit parce que je n'ai pas peur d'être rejeté. Car si j'ai peur d'être rejeté, je suis condamné à juger ce que les médias jugent, à suivre le gouvernement, le pouvoir et l'autorité, c'est-à-dire le mal. Donc je dois développer mon intimité avec la lumière pour ne pas avoir peur d'être seul, ce qui me permet de juger l'obscurité, quel que soit son visage, et de dire non au mal sans avoir peur d'être seul. Si j'ai peur d'être seul, si j'ai peur du rejet, je suis obligé de suivre la masse. Et la masse, c'est le mal, c'est le diable. Je n'ai pas besoin de copier un maître, je n'ai pas besoin de copier une entité, je n'ai pas besoin d'appartenir à un groupe. Je suis ce que je suis, clairement et honnêtement avancé vers la lumière, quel que soit mon niveau d'avancement, vers cette lumière, vers ce courage, vers cette dignité. Et j'emmerde tous les trous du cul. J'ai une expression, c'est anglais parce que je vis beaucoup plus dans la version anglaise, « fuck the baboons ». Et the baboon, c'est les babouins. Alors, c'est tous les humains qui suivent la meute et qui se sentent protégés par la horde des babouins. Et ça veut dire « j'emmerde les babouins ». Très souvent, quand je suis avec des gens et qu'on voit quelqu'un qui est simplement la caricature d'un humain avec toute la panoplie du parfait crétin, on n'insiste pas, on dit juste souvent entre nous « FTB ». Fac de baboon. J'emmerde les babouins. Ça ne touche même pas, on s'en fout. Il est bon d'argumenter avec des gens qui sont capables de comprendre. Il est bon d'empêcher le mal, mais n'est pas bon d'argumenter avec des babouins. On ne va pas apprendre à des babouins à utiliser un ordinateur ou à conduire une voiture, quoi. On va leur apprendre à ne pas mordre, à ne pas voler la nourriture de l'autre. Sage, calme, au pied. Et puis, on discute avec les gens qui sont potentiellement prêts à entendre quelque chose. Et par rapport à tous les petits babouins du bon fin qui viennent imiter le maître en bras pour me faire des leçons, j'ai le même message. Existez par vous-même. Ayez ce courage et cette force et cette noblesse d'exister par vous-même. Au lieu de me dire, le maître, oh, tu mens, le maître en bras. Montrez-moi ce que vous avez fait dans votre vie, je vous montrerai ce que j'ai fait dans mon existence. Et puis on en reparlera. D'accord, les petits loups? Voilà. Donc ça, c'est la fin de ce chapitre. Pour comprendre, soyez loin de votre propre huile divine. Laissez les glandes travailler et vous moindre de l'huile divine pour que vous soyez christique. Non pas en extérieur, mais en intérieur, en vérité. Non pas avec un diplôme, mais avec l'essence de ce que vous êtes. Le reste n'a aucune importance, car les diplômes que vous avez, vous ne pourrez pas les emmener ailleurs quand vous mourrez. Et si vous avez des diplômes en Chine ou en Russie ou en Amérique, personne ne les reconnaîtra. Soyez vous-même en essence divine. Soyez fort, intensément lié à la lumière, intransigeant contre l'obscur. Est vrai par rapport à vous-même et à votre chemin. Je vais donc après reprendre les chapitres tels que je les ai présentés en anglais, en quittant ce contentieux bon finnois qui ne m'intéresse absolument pas et que je laisse derrière. Et c'est donc pour ça que je repars un peu en arrière dans les chapitres, tous les chapitres qui ont été transformés en self-defense contre le bon fin, au lieu d'être des chapitres qui avancent vers la lumière. Donc je reprends ce chapitre, où en français j'avais une conversation avec quelqu'un, que je ne peux pas avoir évidemment, que je n'avais pas fait en anglais, donc j'ai repris cette partie-là. Et puis après, à partir du chapitre suivant, ce sont des chapitres de self-defense que j'ai fait en français, mais qui ne sont pas du tout le cas en anglais. Donc maintenant, je vais vous traduire en français les chapitres que j'ai faits en anglais pour que vous puissiez découvrir toutes les choses que j'ai pu enseigner dans la version anglaise où je n'ai pas été obligé de me défendre contre les attaques médiocres et en dessous de la ceinture bonfinoises. Ce qui ne parle pas en positif par rapport à la compréhension de l'enseignement du maître Omram. Là, je n'attaque pas maître Omram, mais les bonfinois, les fanatiques. Arrêtez de tricher sur l'extérieur et de prétendre. Soyez vrai avec vous-même, car au moment de votre mort, quand vous devrez affronter la question « Comment as-tu aimé ?» que la lumière christique te demandera, il te faudra répondre avec ta lumière intérieure, qui est cette essence de l'huile divine, dans les trois niveaux, tantième inférieur, tantième central et tantième supérieur, irriguée par cet oint, par cette huile, oint par l'essence christique. Quand tu rencontres l'essence christique en extérieur au moment de ta mort qui te demande comment as-tu aimé, seule ton essence christique intérieure pourra répondre véritablement à cette question. Prépare-toi à cette rencontre, car elle est l'essence même, la seule raison de ton existence sur Terre. Merci.